Un meeting de souvenirs à l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il a eu lieu le 16 décembre à l'ambassade coréenne en Russie. Y ont participé l'ambassadeur coréen en Russie et ses collaborateurs et des personnalités de la Douma, des partis politiques, du gouvernement, des établissements et des unités d'activité. Ils ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant le tableau de peinture figurant le président Kim Il-sung et le dirigeant Kim Jong-il pour rendre hommage. Ensuite, ils ont parcouru l'exposition de photos sous thème « Le grand camarade Kim Jong-il est éternel ». Ils ont observé un moment de silence à la mémoire du dirigeant coréen. L'heure du meeting de souvenirs commençait par l'exécution du chef-d'œuvre classique « Où êtes-vous, respecté général ?» par l'orchestre du 21e siècle. Plusieurs personnalités ont pris la parole.